Oui, you. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, bonjour à tous et à toutes, c'est Sorrento pour Gameblog.fr et pour mon blog. Aujourd'hui, je vais vous faire une rétrospective de la Wii. Alors, ça va être divisé en plusieurs parties pour la simple et bonne raison que résumer 6 ans, c'est quand même pas facile et que c'est relativement long et chiant. Donc, pour éviter l'ennui, j'ai de diviser ça en plein de parties. Et aujourd'hui, nous allons aborder les débuts. Alors, les débuts, ça va aller jusqu'à, je sais pas trop, on va dire, de la Révolution à Super Mario Galaxy, voilà, ça va faire à peu près ça, voilà. Allez, c'est parti. Alors, l'histoire de la Wii pourrait, si on était vraiment sérieux et qu'on voulait être complet, on peut remonter ça jusqu'à la nomination d'Iwata, à l'appel de Yamauchi. Mais je vous raconterai pas tout parce que tout simplement que c'est assez long et que finalement il y a déjà une émission qui en parle. Hein. C'est l'émission sur Gameblog sur Iwata tout simplement. Voilà, qui explique comment il a fait pour entrer, qu'est-ce qu'il a apporté aux jeux vidéo. Donc je vous renvoie à ce podcast qui était plutôt bien fait. Là. Voilà. Iwata va donc avoir énormément d'influence et de changements sur Nintendo. À commencer par la première console qui va sortir lui-même, c'est-à-dire la DS. Alors Nintendo a toujours, entre guillemets, prévu un après, c'est-à-dire que Nintendo avait une GBA 2, on va dire, mais la DS était déjà censée être une console, et ils n'avaient pas forcément confiance au début, ils disaient, voici 10% des personnes aiment la DS, je serais content, et finalement ils ont réussi grâce à... finalement grâce à bon marketing, grâce au bon jeu, au bon moment, c'est-à-dire qu'ils avaient c'était plein de moments où ils commençaient déjà à les contacter, mais c'était pas encore entre guillemets important dans les portables. La DS c'était vraiment la première console qui avait un écran tactile. C'est-à-dire, le portable à l'époque n'avait pas les contactiles, il n'y avait pas encore d'iPhone, je précise bien. Et donc pas besoin de boutons. En plus la DS c'était une console avec 4 boutons de gâchette, c'était très, très simple. Elle avait suffisamment de puissance à l'époque, elle était quand même relativement si puissante que N64, mais c'était dans la grande classique Nintendo, même si sa capacité 3D a toujours été un peu limitée à la DS. En tout cas la DS, au début elle avait du mal, et on disait bon la PSP va l'écraser tout ça, mais finalement les résultats vont être différents. Vous voulez voir ça dans une émission spéciale DS, mais moi je ne me connais pas assez en DS pour pouvoir faire une rétrospective dessus, donc voilà. Mais en tout cas, la DS elle a eu beaucoup d'influence sur la Wii. Alors là où la DS était montrée en 2004, on va dire, la Wii elle a paru en 2005 dans un autre nom. À l'époque, ça s'appelait la Révolution. Un nom de code quand même très ambitieux, peut-être trop maintenant. Peut-être que si finalement elle a posé une révolution là, oui, mais dans un sens peut-être plus différent. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais en tout cas, la révolution c'était une console qui avait l'air différente. Parce que je vous rappellerai qu'en 2005, il y a eu la 360 qui était présentée et un modèle de PS3, un prototype, voilà, mais qui n'était pas jouable, un 3 en tout cas. Donc la révolution était déjà aussi épaisse que 3 DVD. En fait, elle avait la même taille que la Wii, en fait, finalement. 3 petits DVD. Très petite, hein. Après la puissance, je crois qu'il y avait été un peu le sujet, disant quand vous verrez les graphismes, vous direz waouh. Bon, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais vous allez comprendre que il avait peut-être pas si tort que ça, dans un sens de dire waouh. Après, il est parlé de la console virtuelle à l'époque, ça s'appelait comme ça. Il disait il y aura vous avez la possibilité d'avoir tous les jeux. De la NES à la N64. À l'époque, on parlait pas déjà. On parlait que les consoles Nintendo. Il n'y avait pas encore d'annonce comme quoi il y aurait les consoles Sega, etc. Et on savait même pas comment ça fonctionnerait. On savait déjà qu'il y aurait peut-être une monoligne parce que la NES se faisait déjà avec des Konami, mais on savait pas trop comment ça fonctionnerait, etc. Voilà. Et donc, il a fallu attendre quand même quelques temps avant d'avoir l'annonce du contrôleur, parce que je rappelle quand même ça qu'il n'y avait pas de contrôleur. Il a été annoncé, je ne sais plus quand, mais pas mal de temps après, et on montrait que la télécommande. Comme ça, voilà, il y a une console de nouveau, salut, au revoir. Enfin, quand même, enfin, j'exagère, mais bon. Par exemple, il n'avait pas expliqué qu'il y avait mis un haut-parleur, par exemple. Il est juste reconnaissant du mouvement. Mais quand on dit reconnaissant du mouvement, qu'on ne montre pas ce que ça fait, on se dit, ouais, attends, il y a combien de boutons sur le Wiimote? Une croix, un bouton A, 1 et 2, et plus, moins et home. Mais je fais comment pour faire un jeu gamer avec ça, en 3D surtout? Ouais. Et on voyait même pas qu'il y avait une. Et je ne sais même pas s'il y avait un port d'extension, mais on pensait que ce fameux port d'extension servait à charger les Wiimotes pour primer. Vous savez, à l'époque, elles n'étaient pas sans fil, les Wiimotes, donc. Voilà. Donc, on ne savait pas. Et donc, après, les noms d'annoncer, alors ça a fait assez polémique d'ailleurs. Pour être honnête, même Régis avait dit en 2006, 2003, donc plus tard, mais je voudrais remercier toutes les personnes qui aiment le mot depuis que je l'ai prononcé. 3. Voilà, c'est un private joke, mais c'était vrai. Beaucoup de gens n'ont pas aimé le nom. Pourtant, ça a un certain sens. Oui, c'est nous, c'est ensemble, mais bon, voilà. Bon, ça, c'est tout ce qu'on a appris en marketing, évidemment. En vérité, je ne sais même pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Hein. Très simple, hein, à côté de PlayStation 3, Xbox 360. D'ailleurs, je pense que la prochaine génération, avec Durango et Jambis, Wii U, ça fait encore simple, hein, vous voyez, ça fait encore. Mais encore, je crois que Nintendo, c'est peut-être un peu facile la facilité parce que voilà, mais en tout cas, très simple, mot qui fera hérisser les poils de certains, je pense, si je dis oui, voilà. Mais ce niveau-là, c'est quand même. Voilà. Et puis finalement, on n'apprend pas grand-chose. Hein. On sait. Et il leur a fallu attendre ce fameux E3 2006 qui est l'un des meilleurs E3 pour moi. En tout cas, pour présenter la console, c'était l'E3 parfait. Avec une belle introduction avec Miyamoto en chef d'orchestre. Et là, on comprend le motion gaming, qu'est-ce que c'est? Le motion control. Qu'est-ce que c'est? Rien de mieux qu'un bouger sa tête pour mettre la musique. D'ailleurs, je soupçonne Miyamoto d'avoir triché parce que moi, franchement, j'ai jamais réussi à faire aussi bien, ou pratiquement aussi bien, mais c'était vraiment parfait. Je crois qu'il aurait été noté 100 dans Wii Music, hein, ce qu'il a fait. Donc je pense que c'était enregistré, qu'il a fait du playback, hein, du playback, hein, fait semblant. Mais bon, ça c'est pas grave. Par contre, après, il montrait déjà deux jeux, qui étaient Red Steel et Sidetrack. Donc directement, montre des jeux, en plus, qui n'étaient pas dégueulasses visuellement, en plus. Hein. Je rappelle qu'on est en 2006. La transformation, elle n'a pas encore Gears of War. Gears of War qui est, pour certains, quand même le premier jeu HD, tout ça. Donc, il faut être assez attention, attentif à ce qui se passe. La génération, la transformation, elle montre peut-être une avance technologique, mais elle n'est pas encore si exceptionnelle que ça. La PS3 montre que des cinématiques précalculées, donc je rappellerai un petit peu la polémique de Killzone qui avait été montrée en 2005 et Killzone, enfin Killzone 2 montre le vrai quoi. Pas la même chose, pareil pour Mountain Storm et tout ça, donc il y avait vraiment une petite polémique à ce niveau-là, parce que de la publicité mensongère. Ainsi voilà. Et donc la oui, donc quand même une très bonne conférence avec. Je me rappelle avec le nom qui défilait, il montrait par exemple coup d'épée, etc. C'était vraiment bien foutu. Avec tous les jeux qui étaient montrés, il y avait Metroid Prime 3, Mario Galaxy, Tamagotchi 2, il y avait Corinne, Fire Emblem, Lester, Project Hammer, Side Truck, Final Fantasy Crystal Chronicle. Il y avait vraiment beaucoup de jeux montrés dans cette. En tout cas un trailer et à la fin des trailers après être passé rapidement sur la DS un trailer avec Zelda qui est vraiment une surprise directement la Zelda avec la console et une longue démo d'ailleurs de Zelda vraiment très longue elle montrait comment ça marchait comment le pointeur marchait etc donc c'était vraiment bien foutu il y a des gens qui me déconcentrent c'est chiant. C'est voilà. Et donc, je pense que cette présentation de Zelda et de Red Steel, c'était bon pour assurer les gamers. Pour dire, oui, mais les commandes, oui, mais il y a la possibilité de brancher les extensions. Voilà, donc ça vous pouvez rassurer les gens déjà de pouvoir voir que dans Mario Galaxy, tout ça. Beaucoup de gens conseillaient, d'ailleurs, je me rappelle de Tommy qui avait essayé Metroid Prime, il disait que c'était la plus facile plus intuitif qu'il a jamais vu, parce qu'à l'époque, je vous rappelle que les FPS sur console, je vais être clair, n'étaient pas très jouables. Il a fallu attendre, même si Halo fonctionnait relativement bien, c'était pas encore une série qui explosait comme maintenant. Même Call of Duty. Alors Call of Duty est une série mineure à l'époque. Ça va changer quand même par rapport à ce qui va se passer après. Mais en tout cas, je veux dire que il y a vraiment une différence, un moment charnière où les genres qui étaient encore majeurs vont passer mineurs et les genres mineurs vont passer majeurs. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, moi, c'est l'espèce de console qui était plus populaire, c'était plutôt les Medal of Honor, par exemple. Oui, maintenant, les Medal of Honor, c'est pas tout ça. Tandis que Call of Duty, c'était que le solo et que sur PC, par exemple. Donc, voilà. Mais donc, déjà, je reviens là, oui. Voilà. Et donc, Nintendo, bon, montre pas mal de jeux gamers, donc c'était vraiment très rassurant. Et beaucoup de jeux, en plus, assez jouables. Il y avait déjà Mario Galaxy qui était jouable, etc. Même si ces jeux-là ne sont pas sortis au lancement, ça annonçait quand même du lourd. Du velu, comme on dit certains, voilà. Et on voit aussi la manette classique qui permet de jouer aux consoles virtuelles. Alors, ça, avec quelques précisions, d'ailleurs, avec la mémoire flash, etc. Dans un certain sens, c'était plutôt bien, parce que, en plus, il y a l'annonce de la Mega Drive et tout ça, voilà. Alors, c'est venu peut-être pas l'E3 lui-même, je me souviens plus que non, il n'aurait pas dit, et dans le communiqué de presse, etc., que Sega a dit, voilà, il y aura nos jeux, etc. Et au final, c'est vrai que la console virtuelle à l'époque, ça gênait pas d'avoir que ça soit un émule de mémoire parce que quand on se contente que de la Super Nintendo, la NES, PC Engine, et je crois qu'il y avait, je sais pas s'il y avait déjà la Neo Geo, je crois pas, non, il me semble pas, ou alors très peu, et même la N64, il y avait très peu, donc 500 émules à l'époque, ça c'était long à remplir quand même. Il y avait peut-être le truc le plus lourd que tu pouvais avoir, c'était la chaîne internet qui était payante à l'époque. Oui, elle était payante à l'époque, je rappelle. Donc, c'était vraiment. Il fallait vraiment faire exprès de les remplir. C'est qu'à partir du WiiWare que ça va commencer à poser problème et que les jeux N64 vont commencer à devenir en grand nombre, que ce soit virtuel arcade ou des trucs comme ça. Que là, éventuellement, là, à partir de là, que même moi, je vais râler sur la place. Mais avant, c'était pas gênant. Et donc, cette E3 va se finir sur une bonne volonté, et quand même, beaucoup de gens ont testé d'ailleurs, tellement que la PS3 n'a pas intéressé beaucoup de monde. Il faut dire que le prix à l'époque de 600 euros, ça faisait un point de dire, alors que la Wii était annoncée déjà à 250, hein, contre la 360 qui était à 400. Et en plus, la Wii était fournie avec Wii Sport. Là, c'est psychologiquement, c'est important, parce qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y a pas de bundle avec les jeux pour la 360 et la PS3. Maintenant, évidemment, avec tous les baisses de prix, les bundles et tout ça, il est facile d'avoir une PS3 avec 300 euros, par exemple, avec des jeux, par exemple. Maintenant, c'est très facile. Mais en tout cas, maintenant, en tout cas, à l'époque, c'était pas comme ça du tout. Même les jeux neufs à l'époque, c'était vraiment 70 euros, les jeux neufs HD. Hein. Maintenant, si je peux tellement ça, maintenant, ils respectent plus maintenant les 70 euros. Maintenant, c'est plus 60, parfois 50. Hein. Alors que la Wii, c'était vraiment 50 euros. Même un jeu comme Mario Galaxy était vendu 50 euros. Après, le Zelda, par contre, est resté longtemps en 60. Ah, bien sûr, hein. Nintendo, c'est très bien. Parce que psychologiquement, la version GameCube était à 60, donc il pouvait pas le mettre à 50, hein, évidemment. Mais il y a eu. Et surtout, les jeux du tiers qui étaient encore. Pendant quelques temps 60, mais après c'est baissé quand même. Ça c'est, ce sont tous relativement bien alignés sur le 50 assez rapidement quand même. Les unités tiers, mais il y en a quelques-uns qui ont essayé quand même de mettre à 60, mais en tout cas c'est pas resté. Mais en tout cas, j'ai rarement payé un jeu Wii 60 euros. C'est très très rare, je crois. Le seul Wii que j'ai dû vraiment payer 60 euros, c'était Call of Duty World at War à l'époque. Encore, je pense que j'aurais pu trouver un moyen de le trouver moins cher, donc voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment, déjà en 2006, c'était vraiment une console qui avait un bon rapport qualité-prix, parce que à l'époque, les THD en plus c'était super rare. Les jeux, oui, étaient techniquement encore à la hauteur, pas très cher, donc c'était vraiment pour une nouvelle console, c'était plutôt bien. Et en plus, le lancement de la Wii avait quand même déjà Zelda. C'était quand même un jeu qui a été très très attendu, plutôt au moins 2004 au moins. Même certains qui ont été issus par Wind Waker attendaient impatiemment ce fameux Zelda réaliste. En tout cas, Mais je me rends compte que finalement, Wii Sport qui était avec la console, c'était super important. Moi, je me rappellerai toujours les gens qui disaient Wii Sport, voilà, c'est Wii Sport, Wii Sport. Et le fait en plus qu'il était dans tes mains, c'est mieux de mettre le Wii Play avec la télécommande Wii, 50 euros, juste 10 euros de plus que la télécommande Wii seule, donc ça permettait de, psychologiquement de vendre des jeux. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Qui ne l'a pas fait d'ailleurs? C'était vraiment un très malin. Je vois bien d'ailleurs que la Wii U Premium actuellement, on va mettre juste un bundle à 50 euros de plus avec plus de trucs. Et là, bon, chercher forcément la meilleure offre et bon, forcément prendre la meilleure offre. Hein. C'est comme ça que ça marche. Et pour ce Wii Play, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer 10 euros pour avoir un jeu et une télécommande. Même si le jeu en vérité n'est pas super bien, mais. Eh bien, ça permettait de jouer à deux facilement. Pas mal, pas mal de jeux en plus. Hein. Même. Parce que la plupart des jeux de l'époque, ils n'utilisaient pas forcément beaucoup le Nunchuck. Et les jeux qui utilisaient vraiment 4 Wiimotes étaient rares quand même. Même la Pacreta, c'était chacun à son tour, par exemple. Donc il y avait 2 Wiimotes, ça suffisait largement à l'époque. Donc tu prenais prendre une Wii, tu avais déjà une Wiimote avec le Nunchuck. Tu prenais une Wii Play plus le Nunchuck et tu avais quoi jouer à deux, on va dire, à tous les jeux, pratiquement. C'était vraiment l'idéal, hein. Moi, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaitais longtemps. En tout cas, à deux. Après, c'est moi, pour jouer à quatre, quand même, il faut amener vos Wiimotes. Voilà. Si les gens venez chez moi, il faut amener vos Wiimotes. Parce que j'en ai que deux. Voilà. Tout ça, voilà. Donc, c'était vraiment un très, très bon lancement. C'était énorme rupture de stock. Les pubs, oui, c'était partout. C'était incroyable. Je vous dis, c'était incroyable. Là, le lancement de la Wii, c'était explosif. Hein. Il y avait un beau faire froid. Il y avait une file d'attente et tout. Moi, bon, en tout cas. Moi à l'époque, la Wii ça m'intéressait pas parce qu'il n'y avait que Zelda comme gros jeu et Resti, moi les FPS, c'est pas tout à fait ça. Pardon. Je crois qu'il y a autre jeu qui était intéressant au lancement, c'était Rayman contre la Pâquerette. Mais bon, voilà. En tout cas, au lancement de la Wii, quand même, était quand on remarque maintenant, on se dit, ouais, Zelda, ouais, ça c'est bien. Rayman contre la Pâquerette. Party Game parfaitement. Je pense qu'il était parfaitement à sa place. Plus complet que Wii Play au niveau party game. Et très amusant. Utilisant très très bien la Wiimote. Hein, beaucoup d'humour. En tout cas, lui, il complétait parfaitement une bibliothèque de fun immédiat. Qui était Wii Sport et Wii Play. Qui était vraiment un complément parfait en tout cas. En plus, il a bien fonctionné. Donc, la preuve qu'il était bien ciblé au bon moment. Après, il y a eu des. Malheureusement, les autres jeux qui étaient du lancement, il n'y a pas eu grand jeu, hein, puisque je n'ai pas retenu de grand jeu que cela. Ouais, j'ai pas eu grand jeu. Après, il y a eu la console virtuelle là, qui était bon jeu, là, tout ça, c'était vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si ça a bien fonctionné. En tout cas, chose à noter, il n'y a pas de jeu utilisant le mode en ligne, que ce soit avec Call of Duty 3, tout ça. Il n'y a pas de mode en ligne, attention, hein, dans les portails d'ailleurs. Précisons que la plupart des FPS de cette génération, la première génération Wii, par Restyle, et encore Restyle a que des problèmes de gameplay, mais Far Cry Vengeance, Medal of Honor Avant-Garde et Call of Duty 3 sont injouables. C'est injouable. Ça, je peux vous l'affirmer. Quand on sort de Metroid Prime 3, on dit mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Ils ont fait n'importe quoi. D'ailleurs, le premier FPS purement pur. Qui s'est jouable sur Wii, bien qu'il y avait encore quelques petits problèmes de gameplay, c'était Medal of Honor, Heroes 2 et World at War. Il a fallu attendre pratiquement 2008 avant d'avoir un vrai FPS, parce que je pense qu'il y a Metroid Prime, mais Metroid Prime était juste un FPS aventure, on va dire. Mais en tant que vrai FPS, il a fallu attendre pratiquement 2 ans avant que le Wii sorte quelque chose de relativement jouable. Et relativement, parce que Far Cry, c'était complètement loupé, voilà, loupé. Donc après le lancement, Nintendo récidive, voilà, récidive, on va dire, il continue un peu sur la borne amusement immédiat, amusement local. En plus, pas besoin de beaucoup de Wiimote, puisque WarioWare, c'est pareil. WarioWare Smooth Smooth, c'est un jeu qui utilise la Wiimote chacun son tour. C'est pareil. Et il suffit d'en avoir deux ou une seule pour jouer à quatre. Donc ça c'est pas mal, déjà dans un bon plan. En plus, très amusant, en plus, c'est bien, Wiimote en plus. Hein. En plus, il y a des gros clins d'œil à des jeux gamers dedans, donc c'était vraiment. Même un gamer pouvait s'amuser sur ce jeu. Après, il y a des jeux comme Courier une page, j'ai bien aimé moi. En tout cas, j'y ai joué plus tard, parce que moi, j'ai pas eu le Wii encore à ce moment-là. Mercure rythme, c'est pareil. Donc, c'est des jeux où on dirige une boule, enfin une bille, on va dire, et dans une sorte de labyrinthe. Vous avez, c'est un peu comme Super Monkey Ball, vous voyez, mais avec une boule, voilà, au lieu de singe dans sa boule. Voilà. D'ailleurs, il y a Super Monkey Ball au lancement de la Wii, qui n'a pas fait. Ouais, qui est plutôt bon, mais qui a pas retenu l'attention. Et aussi, il y a Tony Hawk aussi. Bon, à l'époque, Tony Hawk était une grande série. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Après, bon, après le grand jeu de lancement, alors quand je dis fenêtre de lancement, ça va dire jusqu'à. Allez, juin, on va dire jusqu'à juin. Allez, on va parler jusqu'à juin. Et donc, pour l'instant, jusqu'à. Bon, après, nous avons WarioWare, donc là, on en a déjà parlé. Excitruck, quand même une grosse sortie du mois de février, je crois. Je sais plus s'il est sorti au mois de février, mais je ne me souviens plus. Parce qu'il est mal, je pense que ça me fera vieux. Alors, c'était un bon jeu. Quelques petits problèmes, hein, mais. Au niveau de la Jason Command, par contre, ça répondait super bien, c'est plutôt rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de course qui répondent aussi bien que Rec Light Rock, hein, faut être honnête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros jeu? Bon, après, il y a quelques portages comme Metal Slug Anthology que j'ai mis plus tard, par exemple, j'ai adoré, c'est un petit jeu. Oui, à l'époque, c'était vraiment qu'une petite liste de petits jeux. Après, tu as Sonic and the Secret Ring, qui était largement meilleur que le Sonic 2006. Pas la peine de vous en parler, je n'en parlerai pas de Sonic 2006, c'est pas la peine. Sans ça, les fans de Sonic vont me lapider et vont m'enfermer dans une orange en feu. En tout cas, le Sonic and Secret Ring, c'est plutôt sympathique. Et le premier jeu utilisé en mode online sur la Wii, que je rappelle jusqu'à présent, il n'y avait pas, c'était Mario Striker. Alors, Mario Striker qui était peut-être déçu par rapport au manque de nouveautés et à ce jeu un peu court. Et puis moi, le reproche que je ferais personnellement, c'est que le mode en ligne fonctionnait bien. Ça, c'est pas un problème. C'est que il se relançait tous les mois. C'est-à-dire que c'est comme une carte. Vous avez votre score, 6393. Et ben, il revient à zéro tous les mois. Vous devez refaire des courses. C'est ça, Mario Tracker. Ce n'est pas motivant du tout. Et tu laisses ton avis, moi, t'es un peu banal. Hein. Il suffit d'une chose pour le tacler et pointer pour rater les super coups. Ouais, bof, ouais. Donc, il n'y a pas de jeu triple A pour l'instant. Après, il y a quelques portages réussis comme Prince of Persia Rail Sport. Bon, voilà, c'est un portage. Et un portage que j'adore personnellement. Moi, c'est la première fois que je le faisais, c'était Resident Evil 4. Oui, édition. Et là, je pense que c'était, je pense, l'un des meilleurs portages de la Wii. En tout cas. Sérieux et une petite augmentation des graphismes, ajout de contenu, très bonne utilisation de la Wiimote. En plus, le prix était à 40 € au lieu de 50 euros. Il est resté longtemps d'ailleurs à ce prix-là, d'ailleurs, même des années après. Il a fallu attendre, je sais pas combien d'années avant qu'il soit à 30 euros. Et même maintenant, si vous le cherchez, je crois qu'il est plus à 30 euros, il doit être encore à 40, 50, parce qu'il doit être encore rare à trouver. En tout cas, ce Resident Evil 4 est vraiment un jeu que j'ai vraiment bien aimé, en tout cas, personnellement. Après, bon, voilà, donc c'est le début de la Wii quand même un peu, comment dire, un peu quand même lent quand même. Hein. Et donc il y a eu le 3 2007, alors le 3 2007 là, qui va encourager un petit peu la Wii. Alors on montre, alors le 3 2007, on montre, c'est un peu le 3 des accessoires, on va dire. Il y a, on montre un peu Mario ici, après. J'ai un petit peu, on prend les jeux du 2006, mais bon. Et on montre un accessoire. Donc, oui, Zapper déjà, avec Zelda Crossbow Training. Qui sera utilisé dans pas mal de jeux au final. Ça va avec le Umbrella Chronicle, par exemple. Il y a plein de jeux. Je vous en parlerai peut-être dans l'autre émission. Le volant avec Mario Kart. Ah, fameux Mario Kart Wii. À l'époque, on y attendait quand même, parce que là, il était annoncé comme avec un mode de jeu en ligne et tout, de joueurs et tout ça. Donc, on attendait quand même de pied ferme ce Mario Kart. Le premier teaser de Super Smash Bros. Brawl. Alors, c'était dans le. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on attend maintenant, vous savez, la fameuse table ronde après le 3 là. Parce que c'était là qu'il y a le fameux teaser de Super Smash Bros. Brawl à l'époque. C'est pour ça que maintenant, à chaque 3, on attend toujours quelque chose. Alors que finalement, on est toujours un peu déçu. Mais c'est à cause du 3 2016 maintenant. Vous savez pourquoi maintenant, voilà. Avec Snake et tout, qui était vraiment assez amusant d'ailleurs, ce fameux teaser. Je sais plus trop. Est-ce que vous avez présenté Wii Fit parce que c'est en 2008? Je sais plus. Je ne sais plus le 3 2007. Hein. Je n'ai pas retenu grand-chose d'autre, à part le 3 de l'accessoire. Donc, éventuellement, vous me direz si je me suis trompé. Alors, je ne sais plus si c'est 2008 ou 2007 pour Wii Fit. Alors, je ne sais plus, mais il semble que. Ça doit être le 2007 parce que je crois que Wii Fit est sorti en mai 2008. Donc, comme le 3 a été décalé en juin de 2008, comme il a dû le présenter, je crois. Donc, je crois que c'était bien 2007, mais qu'on s'en foutait de, en fait, de Wii Fit. Ouais, tout dans le genre. Ouais, c'est ça. C'était un peu passé sous silence ou rapidement. Voilà. On s'en foutait, quoi. C'était pas grave. Voilà. Après cette 3, donc 2007, bah là quand même, on a le Mario Kart qui arrive l'année prochaine, on a une super fin d'année qui approche, donc quand même, ça donne envie. Je sais pas, Smash Bros. Pro en plus. Donc, déjà, il y a déjà quoi. Puis on a déjà aussi les annonces de jeux comme Fire Emblem qui arrive tout début 2008, voilà. Donc il y a vraiment déjà une grosse, comment dire, un gros quand même changement au niveau des jeux. Surtout 2008 avec Rose et tout ça, est quand même très très bon. En tout cas, on arrive à psychologiquement, on va dire, on passe rapidement les vacances, on arrive à tout de suite après les vacances d'ailleurs. Moi je vais préciser que j'étais à l'E3, j'étais à Japan Expo de 2007, hein, où j'ai pu jouer à la Wii. Donc c'est à partir de là que j'ai vraiment eu envie de jouer à la Wii. Avec Super Paper Mario, Wii Sport, Galaxy, tout ça, donc c'était vraiment un moment qui m'a vraiment encouragé. Même si à l'époque j'étais un peu de mauvais point en disant, ouais, la Wii elle coûte 250 euros, j'ai encore une télé catholique. Écoute, je vais me prendre la Wii, elle est pas trop chère. Elle n'a pas trop de problèmes de stock maintenant, en ce moment, on dirait. Il y a quand même Mario, le Mario Kart, j'ai bien aimé sur GameCube. Non, dis, en attendant, je me prends la Wii, en attendant de voir le résultat de la guerre HD. Voilà, c'était comme ça que je le disais. Là-bas, entre la 373 et la 360, qui c'est qui gagnerait? Bon, c'était comme ça que je réfléchissais à l'époque. Je vais être honnête avec vous. Une révélation exclusive pour vous. Ah bon, j'avais la Wii, c'était quelque chose comme ça. C'était exactement ça. Exactement ça. J'avais une Wii, j'avais Wii Sport, j'allais me prendre Wii Play éventuellement. Après, donc, comme j'avais jamais travaillé, je me suis dit, bon, écoutez, une poule de mon cadeau de Noël, j'ai le droit quand même de me faire un gros plaisir pour me changer. Ça fait des années que j'attends une nouvelle console, parce que je rappelle que j'ai pas eu de nouvelle console depuis GameCube depuis 2004, hein, 2003, je sais plus. Donc, ça faisait qu'un bout de temps. Donc, dit, ouais, moi je me prendrais Super Glex avec, voilà. C'était vraiment un bon début quand même. Et moi, quand j'ai vu en fanfare de la Wii, avec la console que je leur ai à Noël. Bon, mes parents m'ont toujours dit, oh, ouais, on va te l'acheter. Finalement, j'y croyais pas parce qu'ils sont toi qui les retours de stock. Et finalement, ma mère a toujours. Je sais pas comment elle est douée, mais elle s'est trouvé un moyen de trouver la Wii à l'époque, ce qui était plutôt rare en pour 200 euros au lieu de 250. Je sais pas comment elle a fait, mais elle est douée. Mais je reviens un petit peu au mois de septembre pour vous expliquer pourquoi la Noël de 2007 est aussi importante pour la Wii. On commence directement au mois de septembre avec Super Paper Mario. C'est un jeu génial. J'ai joué bien après, mais c'est un jeu génial. Alors tu laisses le même mode encore une fois. Peut-être un peu, très peu, mais très bien. Moi, franchement, je préférais presque ça que trop. Tout cas. Moi j'aime bien l'ambiance, même si je sais que c'est un jeu GameCube qui était porté sur Wii, en vérité. Mais en tout cas, Super Paper Mario, c'est un jeu que j'adore. Par rapport à son humour, son univers. Sachant un jeu de plateforme classique en plus, non, côté 2D, 3D, tout ça, c'était vraiment bien foutu. Après, t'avais Metroid Prime. Bon. Je vous rappelle que j'ai le 3, ça m'avait intéressé ce Metroid Prime 3. J'avais fait donc le 1 et le 2 sur GameCube, donc j'avais envie de faire le 3 quand même. D'ailleurs, c'est mon père qui m'a offert le 3. Il m'avait vu que quelqu'un s'est jamais intéressé. C'est intéressant à l'époque le petit duel entre Metroid Prime 3 et L3, qui n'a tout à fait aucun rapport. Après le côté flashy, les armures, il n'y a pas beaucoup de lien. Mais en tout cas, c'était assez amusant de voir cette petite concurrence. Et finalement, ils se complétaient bien ces deux jeux-là, c'était assez amusant. En tout cas, moi j'aime bien Halo, plus c'est vrai que j'aime bien. J'ai pas malheureusement pas beaucoup l'occasion d'y jouer puisque c'est mon cousin qui a une 360. Moi j'ai pas de 360. Voilà, révélation, Sorrento n'a pas de 360. Achetez-en une. Non, je connais, je rigole. Alors, vous savez quoi, dans un sens, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une 360 pour avoir certains jeux, mais malheureusement, j'ai déjà une PS3 et donc il fallait que je me prenne une 360 en plus. Je sais même pas où est-ce que je la mettrais et où est-ce que je mettrais les sous pour acheter le jeu. Parce que moi je m'appelle que j'achète une console pour les jeux. D'ailleurs, la Wii, en dehors de ce Paper Mario, qui m'a intéressé déjà, de ce Metroid Prime, il y a ce Mario Galaxy. Donc, et Wii Sport, je rappelle qu'à l'époque, c'était quand même un gros système seller pour moi. Parce que c'est un bon moyen de voir à quatre avec d'autres personnes que les gens classiques, hein, ma famille, mes amis, qui n'étaient pas forcément des gamers. Donc c'était vraiment un bon moyen d'introduire le jeu vidéo de manière plus, comment dire, conventionnelle, que dire je veux absolument cette console là. J'ai dit, ah mais vous savez, vous pourrez jouer avec moi pour une fois. Voilà, c'est exactement cet argumentaire que là j'ai utilisé. En plus, moi je disais, ouais, à l'époque j'ai loupé Apple 64, par exemple Super Mario 64, je l'avais pas. Et je l'ai fait que chez mon cousin et je le fais parce que lui il n'aime pas les jeux de plateforme. Je me suis dit, console virtuelle, il sera disponible sur console virtuelle, bah, au moment où il sort, je le prends. Et je garde ma manette GameCube ou je prends ma manette classique, voilà. Exactement cette psychologie-là, je me suis dit, ça me permettra de rattraper. En plus, oui, rétro-compatible GameCube, j'ai pas fait tous les jeux GameCube, j'ai pas encore fait Fire Emblem ou. Je crois que j'ai même pas fini Tales of Symphonia, je crois à l'époque que j'avais même pas encore fini. J'avais encore plein de jeux GameCube à faire. Ah bah ça c'est parfait quoi, c'est. Voilà, j'ai voulu la console, donc mes parents disaient l'est ou non, puis finalement je l'ai eu. Et donc, l'introduction de la console. La console elle-même, déjà, 200 euros, 250, bon, ça, mes parents, je sais pas combien ils débrouillent. J'ai pris Wii Play, le Nunchuck, hein. Je crois que le Nunchuck il est venu que 2 mois après, mais bon, moi quand je parle du lancement, voilà, c'est ça. Comme ça fait deux Nunchuck et deux Wiimote. C'était parfait pour jouer à la Poxa 2 par exemple. Je crois que j'ai pris Resident Evil 4 assez rapidement. Non, je crois que le jeu que j'ai pris tout de suite, Metroid Prime, qui était offert par mon père. Je rappelle que c'est ma mère qui m'avait acheté la Wii et que c'est mon père qui m'avait acheté Metroid Prime. Alors pour que, une fois, ma mère a acheté la console en vérité, quand lui il m'avait dit, ce jeu-là, je te le prends, c'est sûr. Et moi, je me suis pris personnellement avec mes soins, moi, le Mario Galaxy. Parce que voilà, c'était vraiment le jeu que je voulais absolument. Peut-être plus que Paper Mario, parce que Paper Mario, je l'ai eu beaucoup plus tard, finalement. Et donc, dès le mois de janvier, je crois que j'ai eu le deuxième Nunchuck, finalement. Les piles rechargeables, qui m'a coûté 30 euros avec le chargeur. Parce que je me rappelle que les piles, oui, n'ont pas fait très longtemps. Que moi, je préférais presque prendre une pile rechargeable chère sur le coup. Que des piles tout le temps, tous les mois, voilà, ou que des batteries, ouais. D'ailleurs, elles m'ont fait quand même pas mal de temps. J'ai dû les changer que cette année, qu'il y a 2 semaines, je crois. Parce qu'elles chargeaient vraiment plus, là. J'ai plus que 2 heures d'autonomie sur. Surtout avec la Motion Plus. Alors là, c'était même plus la peine de jouer à Zelda avec ça. Hein. Donc, je l'ai changé récemment, d'ailleurs. Comme ça, je vais pouvoir prolonger mes Wiimotes pour la Wii U. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Et donc, Resident Evil 4, je crois qu'il arrive au mois de janvier aussi. Voilà, donc vraiment un début en fanfare. Parce que moi, j'avais vraiment envie de le faire. Tu me disais toujours du bien de 4, et je voyais qu'il était à 40 euros, pas trop cher. Et j'avais jamais fait, donc moi, j'avais vraiment envie de le faire. Voilà. Et en tout cas, c'est début de. Moi, début de la Wii, c'était vraiment ça. Je me suis éclaté sur Wii Sport et tout ça, comme beaucoup de gens. Et alors, savoir que Samuel 2007, c'est quelque chose de différent. Oui, maintenant qu'on voit un jeu multiplateforme, vous voyez Puppet 3, 360, là, Guitar Hero 3, tout ce qui était multiplateforme relativement. Il y avait des pubs, oui, voilà. C'était le logo oui devant Guitar Hero 3. Vous voyez la différence. Il y avait à ce Noël, en plus, il y avait le Wii Zapper avec mon Black Chronicle, quoi, un jeu mature, entre guillemets, même s'il a déçu. Il y avait le Mario Sonic. Et là, Mario Sonic, c'était un des party games les plus épuisants que j'ai jamais fait. Il complétait aussi un peu, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de gros jeux de sport à l'époque. Et donc, ça permettait d'avoir un peu un jeu de sport fun. C'était vraiment bien. Et Mario Sonic, quand même, c'est des choses qu'on attend depuis très très longtemps. Dans le même jeu, quoi, ces deux-là, c'est les pires ennemis du monde, quoi. Et puis, franchement, donc ça fait quoi? Fin 2007, t'avais le Resident Evil Umbrella Chronicle, ceux qui adorent Resident Evil, il y avait en plus le 4. T'avais le Wii Lapper, éventuellement. Éventuellement. Et je trouve que les lacs mais t'es pas si mal que ça. Bon, 30 euros quand même, ça va. T'avais le Mario Sonic, franchement. Qui va chercher super bien party game, je crois que c'est l'un des meilleurs party games de la Wii. T'as vu le Rayman contre la Pâquerette, encore plus crétin. C'était vraiment très très bien. Voilà. Donc c'était vraiment un Noël. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre? Bon, voilà, donc c'était le début de la Wii pour l'instant. Et je crois que je suis combien de minutes. Je pense que je vais m'arrêter maintenant parce que sans ça va être trop long. Oui, je vais m'arrêter maintenant et je. Voilà, parce que comme ça, je ferai quand même. Voilà, parce que j'ai. C'est fini, je pense. Je me dis que je suis pas ma galaxie, mais j'ai vraiment adoré. Voilà, donc c'est bon. Voilà, allez, à bientôt.